In other words, millions come to church on a daily basis. En d'autres mots, des millions viennent à l'église chaque jour. But he don't see them. Mais il ne les voit pas. Why doesn't he see them? Pourquoi il ne les voit pas? Malachi chapter 1, precious people. We need to finish someday. Malachi, we need to carry over to the next church, you people. Nous devons finir ici. But before you go to Malachi, avant d'aller à Malachi, you find out that right after he has produced the new wine, vous allez voir qu'après qu'il ait fait le nouveau vin, the next temple, la prochaine événement, c'est le nettoyage du temple. He's overturning the tables of the money changers in the church. Il a renversé les tables des changeurs de monnaie dans l'église. Somebody did not hear me. Quelqu'un ne m'a pas suivi là. My Bible says, ma Bible dit, Jesus clears the temple. Il a libéré le temple. The purpose of the latter anointing, le but de la dernière onction, is to clear up the temple. C'est de dégager le temple. To remove the business premises from the church. De enlever les business de l'église. To remove the idols from the church. De sortir les idoles de l'église. To remove the golden calf from the altar of God. D'enlever les veaux d'or qui sont sur l'autel de Dieu. So nobody may bow down to any idol in the house of Jehovah. Afin que personne ne s'agenouille devant d'autres idoles dans la maison de l'Éternel. Why didn't the Lord see anybody in the house? L'Éternel n'a vu personne dans l'église. And that is just one vision. Then I've not come to March 26, 2008. Ça, ce n'est qu'une vision. Après, je passerai au 26 mars. That is just November 20th, 2007. Ça, ce n'est que 20 novembre 2007. Malachi chapter 1. Malachi chapitre 1. I'm reading verses 6 to 10. Je vais lire de versets 6 à 10. He says, a son honors his father, and a servant his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. It is you, O priests, who show contempt for my name, but you ask, how have we shown contempt unto your name? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? You place defiled food on my altar, but you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Verse 8 is very critical right now. Le verset 8 est critique. When you bring blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice crippled and diseased animals, is that not wrong? Try offering it to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Now implore God to be gracious to us with such offerings from your hands. Will he accept you? Says the Lord Almighty. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Oh, that one of you would shut the temple doors so that you would not light your useless fires on my altar. I am not pleased with you, says the Lord Almighty, and I will accept no offering from your hands. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. My name will be great among the nations, from the rising to the setting of the sun. In every place, incense and pure offering will be brought to my name, because my name will be great among the nations, says the Lord Almighty. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. This is the moment for the church to mature up in Canada. C'est le temps pour l'église de devenir mature au Canada. This is the moment of reality. C'est le moment de réalité. This is the moment of truth in the church. C'est le moment de vérité dans l'église. World over. Le monde est fini. You see very clearly there the mind of God. Vous voyez très clairement la pensée de Dieu. Regarding sacrifice at the altar. Concernant les sacrifices à l'autel. He says, il dit, sacrifice is an all or nothing phenomenon. Il dit le sacrifice est tout ou rien phénomène. C'est un phénomène de tout ou rien. That's why Jesus could not die 50%. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas mourir 50%. He had to go through complete death. Il devait aller au travers la mort totale. Death of the flesh. La mort de la chair. So that you may resurrect, arise. Afin que tu puisses ressusciter, lever. So you may have a future. Afin d'avoir un futur. But you cannot start bringing blind animals here. Vous ne pouvez pas amener des animaux aveugles ici. Crippled and diseased sacrifices here. Infirmes et malades sacrifices ici. And dancing Lingala here. Et dansant le Lingala ici. And dancing Ndombolo ya Yesu here. Et dansant le Ndombolo de Jésus ici. And bringing miniskirts and tight trousers here. Amenant des mini-jupes et des pantalons serrants ici. That as they are worshiping, the men are lasting at you. Quand ils adorent, les hommes sont en train de tomber pour vous. You cannot bring false prophets here. Vous ne pouvez pas amener des faux prophètes ici. You cannot bring the gospel of money here and not even preaching the Jesus of Nazareth. Et vous ne pouvez pas amener l'évangile de l'argent ici et ne prêchant pas le Jésus de Nazareth. He says, those are useless fires. Il dit ce sont des feux en vain. They are useless fires before Jehovah. Ce sont des feux inutiles devant Jehovah. Do you remember Nadab and Abihu? Rappelez-vous de Nadab et Abihu? When they lit up useless fires before Jehovah. Lorsqu'ils ont amené des feux inutiles devant Jehovah. The holy fire of God came and consumed them. Le feu saint de Dieu est venu les a consumés. God is warning the church. Dieu avertit l'église. He's giving the church a notice. Il donne à l'église un avertissement. The time has now come. Le temps est arrivé. When I cannot entertain useless fires. Où je ne peux plus supporter des feux étrangers. I want holy fire. Je veux un feu saint. You cannot offer sacrifices that are defiled. Vous ne pouvez pas offrir des sacrifices souillés. And he knew that you are not capable. Il sait que vous n'étiez pas capable. Of providing a perfect sacrifice. D'amener un sacrifice parfait. That's why he gave the blood of Jesus. C'est pour ça qu'il a donné le sang de Jésus. That you may never have an excuse. Afin de ne plus avoir d'excuse. But when you mix the blood of Jesus with your traditions. Mais lorsque vous mélangez le sang de Jésus avec vos traditions. You mix it with the world. Vous mélangez avec le monde, with immorality, avec l'immoralité, with witchcraft, avec la sorcellerie, God does not see you. Dieu ne vous voit pas. There is no sacrifice in the house. Il n'y a aucun sacrifice dans la maison. In fact, he says, en fait, il dit, oh, how I wish, je pouvais, that someone may run and shut that door so I may not see their useless fires anymore. Quelqu'un puisse aller fermer, je ne puisse voir ces feux étrangers. Do you understand the meaning of that vision? Vous comprenez le sens de cette vision? November 20th, 20 novembre 2007. I was shocked, I fell down and started fasting. J'étais choqué, je suis tombé par terre, j'ai commencé à jeûner. How can they be worshiping in millions? Comment pouvons-nous adorer en millions? And now you tell me you don't see them. Et maintenant tu me dis que tu ne les vois pas. Later I understood. Plus tard j'ai compris. That only the blood of Jesus, que seul le sang de Jésus, does the Lord receive, que le Seigneur reçoit. You cannot mix it. Tu ne peux pas le mélanger. The blood of Jesus is wholesome sacrifice. Le sang de Jésus c'est le sacrifice total complet. But in Canada, mais au Canada, you've mixed it with postmodernism. Vous le mélangez avec le postmodernisme. That's what you've done. C'est ce que vous avez fait. But you know we are modern Christians. Vous savez, nous sommes des chrétiens modernes. Give them some water, some good drinks also. Donnez-leur un peu de l'eau, un bon jus, s'il vous plaît. Hallelujah. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, bien-aimé. The church went ahead and mixed the blood of Jesus with other things. L'église est allée à mélanger le sang de Jésus avec d'autres choses. In some countries, dans certains pays, the useless fires. Les feux étrangers. When the pastor comes to preach, he starts to preach about his shoes. Lorsque le pasteur vient prêcher, il parle de ses chaussures. And he asks you. Et il vous demande. Do you know how expensive my shoes are? Vous savez combien coûtent mes chaussures? That's why for me I put on plastic. C'est pour ça moi je prends des plastiques. I always get the cheapest plastic. C'est pour ça j'achète les chaussures les moins chères en plastique. It's even better for kneeling down. You c'est can même mieux down. Pour même mieux down. Pour s'agenouiller. Preaching about shoes. Prêchant sur les chaussures. Do you know how I bought these shoes in France, in Germany, in the United States, in Canada? Vous savez comment j'ai acheté ces chaussures en Allemagne, en France, au Canada, aux États-Unis? Do you know where I bought my suit, they say? Vous savez où j'ai acheté mon costume, comme ils disent? Those are useless fires before Jehovah. Ça, ce sont des feux étrangers devant Jehovah. Do you now understand the mind of God? Comprenez maintenant la pensée de Dieu. I say today I will allow you to look at the church with the eyes of Jehovah God Almighty. Ce soir, je vous ai dit, vous allez voir l'église au travers des yeux de Dieu, Jéhovah Dieu puissant. That you may understand the mind of God for the church. Afin de comprendre la pensée de Dieu pour l'église. You took the blood of Jesus, which is such a precious sacrifice. Vous avez pris le sang de Jésus qui est un précieux sacrifice. And you put it on with Hollywood kind of showbiz dancers here. Et vous l'avez mis mélangé avec le showbiz de style hollywoodien ici. Church became center of entertainment. L'église est devenue le centre de distraction. The Christians say, "Oh, I love. I cannot wait for Sunday." Les chrétiens maintenant disent, "Oh, je ne peux pas manquer dimanche." Something would be wrong in that church. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette église. I want you to say that you almost tremble when you think about church. Je voudrais que vous puissiez dire je tremble lorsque je pense à l'église. I want to hear you say you panic when you think about appearing before that church, before the Lord. J'aimerais entendre plutôt de vous que vous paniquez lorsque vous devez paraître devant l'Éternel. I want to hear that you check yourself in the mirror again and again and say, "Lord, I don't want to defile your service, your worship today." J'aimerais que vous puissiez vous mettre devant le miroir et de regarder, Seigneur, je ne voudrais pas souiller ton service aujourd'hui. The men, les hommes, you mix that sacrifice with lustful eyes on women. Les hommes, vous mélangez ce sacrifice avec des yeux enviants sur les femmes. You look at women lustfully in the church, in the house of Jehovah. Vous regardez aux femmes de manière impudique dans l'église, dans la maison de Dieu Jéhovah. Which means your heart is not here. Cela veut dire que vos cœurs ne sont pas ici. The only thing Jesus died for is the heart. La seule chose pour laquelle Jésus est mort, c'est le cœur. If your heart is not here, si ton cœur n'est pas ici, then you are not here. Alors tu n'es pas ici. Hey, now you can laugh. Maintenant vous pouvez rire. Try to laugh now. Essayez de rire maintenant. Where are you heading to? Où est-ce que vous allez? Oh, we are heading to heaven. Oh, nous allons au paradis. Oh, we in our church we are prepared. We are going to heaven. Vous savez, nous dans notre église sommes prêts. Nous allons au paradis, hein? Ah, we are just prepared. Me, I'm ready. In fact, anytime he should come. Moi, je suis prêt. En fait, il peut arriver n'importe quel moment. Listen to me, honey. Écoutez-moi, chérie. You are not going to heaven. Tu n'iras pas au ciel. Until you repent. Jusqu'à ce que tu te repentes. Purify your heart. Tu purifies ton cœur. And return the blood of Jesus at the altar. Retournez le sang de Jésus à l'autel. Only the blood of Jesus the Lord accepts now. C'est le seul sang de Jésus que le Seigneur accepte en ce moment. That's why he told Israel. C'est pour ça qu'il a dit Israël. When it comes to the midnight hour. À l'heure de minuit. Only the blood now. Seul le sang maintenant. I want to see the blood. Je ne veux que voir le sang. Did you hear me, somebody? Vous écoutez? We don't have time. Nous n'avons pas le temps. I have to finish these things. Je dois finir ça. Let us read on, precious people. On va lire, bien-aimés. Let us read on here, just a little bit, one more. On va lire encore the book of Haggai. Le livre d'Agée. Haggai chapter 1. Agée 1. Do you understand the mind of God? Vous comprenez la pensée de Dieu? Pastors, you must change your notes. Pasteur, vous devez changer vos notes. You must change your preachings. Everything must change. Vous devez changer tout. Tout doit changer. Everything has to change. Tout doit changer. You cannot continue like that, pastors. Vous ne pouvez pas continuer de cette manière, la pasteur. You are killing a lot of souls. Vous tuez beaucoup d'âmes. Let us return them to the blood of Jesus. Ramenons-les au sang de Jésus. 7 anointings for financial strategic position in the marketplace. 7 onctions pour une position stratégique sur les lieux d'affaires. The special books on 7 methods of positioning yourself right in the 21st century marketplace. Le livre stratégique qui va vous positionner de manière stratégique dans le marché des affaires du 21e siècle. No, don't go there. Non, n'allez pas là-bas. Go to the blood of Jesus. Allez au sang de Jésus-Christ. And everything shall be added unto you. Et toutes choses vous seront ajoutées. But be careful also. Mais faites aussi attention. I want the Church of Christ in Kenya. J'ai averti l'église de Christ au Kenya. Even Germany and many other nations. Même en Allemagne et plusieurs autres nations. I told them, be careful where you get your money from. Faites attention d'où vous tirez votre argent. Because even the devil may give you some money. Même le diable peut vous donner de l'argent. And I put it in this way. Et je l'ai dit de cette manière. I say that the devil may give you money. Le diable peut vous donner l'argent. So that it may become easier. Afin que ce soit plus facile. For a camel to enter through the eye of the needle. Pour le chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Than for you to enter through that entrance where the two wedding rings are. Pour au lieu que vous vous entrez dans l'entrée où les deux anneaux de mariage se trouvent. That it may become easier for the camel to enter through the eye of the needle. C'est devenant plus facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Than for you to enter through that mighty entrance where the two wedding rings are spotted right now. Que pour vous d'entrer dans cette entrée grande où les deux anneaux de mariage sont postés. God wants to bless the church. Dieu veut bénir l'église. He wants to prosper the church. Dieu veut prospérer l'église. Tomorrow I will bless the church. Demain je vais bénir l'église. But the issue is, mais le problème est, never did God intend, Dieu n'a jamais eu l'intention, that the blessing should drift the church away from the will of God, que la bénédiction va éloigner Dieu de, les enfants de Dieu de sa volonté, that the blessing should bring the church to hell, que les bénédictions va amener les églises à l'enfer. I hear many preachers saying the blessing of Abraham, the blessing of Abraham, the blessing of Abraham. J'entends beaucoup de prédicateurs dire les bénédictions d'Abraham, la bénédiction d'Abraham. When he says like the stars in the sky, so will be your descendants. Et il dit comme les étoiles dans les cieux seront ses descendants. Daniel now sees that those who have led many into the righteousness of God are shining like the stars. Daniel a vu que ceux qui vont conduire plusieurs dans la sainteté de la justice de Dieu brilleront comme des étoiles. Then you begin to understand what God meant when he blessed Abraham. Alors vous comprenez ce que Dieu disait lorsqu'il disait va bénir Abraham. He did not mean the descendants that would go to hell. Il n'a pas dit que les descendants d'Abraham vont aller en enfer. He meant the descendants that would enter the kingdom of God and have eternity. Il a dit les descendants qui vont entrer dans le royaume de Dieu et qui auront l'éternité. So is the money. Et cela est de même pour l'argent. If money will drift you away from God, si l'argent va t'éloigner de Dieu, the devil has brought it. Alors c'est le diable qui vous l'a apporté. Hallelujah. Amen. Let us read this thing. On va lire. We don't have much time, precious people. On n'a pas beaucoup de temps, bien-aimés. Hallelujah. I have a lot of things to read for you here, but let's just touch a few. The book of Jeremiah, chapter 10, verse 20. Before we go to Haggai. Jérémie chapitre 10 verset 20. Jeremiah 10 20. Jérémie 10 verset 20. My tent is destroyed. Its ropes are snapped. My sons are gone from me and are no more. No one is left now to pitch my tent or to set up my dwelling. Ma tente est détruite. Toutes mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté et ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. If everyone is talking about the things of this dispensation on the earth, si tout le monde parle de ces choses de la dispensation sur la terre, then who will lead the church into the kingdom of God? Alors qui conduira l'église dans le royaume de Dieu? Right now the Lord looks at the church the way I described that vision. Maintenant, l'Éternel regarde l'Église comme je vous ai décrit dans la vision. And he asks, Et il demande. With such a desolation, grass growing in the church in that vision. Avec une telle désolation, l'herbe poussant dans l'église. Darkness in the church. Les ténèbres dans l'église. My tent is destroyed. Ma tente est détruite. My sons are gone. They are no more. The word is no more. Mes fils ne sont plus. Ils m'ont quitté. They are no more. Ils ne sont plus. Desolation is here. La désolation est là. There is no worship. Il y a plus d'adoration. Remember the link between the precious golden dome and the roof was just a scaffold remnant skeleton 3 meters. Et rappelez-vous que le soutien entre le dôme et le toit, c'était 3 petits de rien, métal ruine en rouille. It talks about spiritual desolation in the church. Il parle de la désolation spirituelle dans l'église. And yet the Lord is longing that someone may stand up and raise for him a holy tent. Et Dieu attend à ce que quelqu'un se lève et lui bâtisse une tente. He is longing for his sons to come back and raise for him a holy tabernacle. Il attend que ses fils reviennent et rétablissent un temple tabernacle saint. And I'm talking about holy tent. Et je parle d'une tente sainte. That is the tent that belongs to him. C'est la tente qui lui appartient. That is what the Lord is saying in that vision. C'est ce que l'Éternel dit dans cette vision. He says, in Canada, I see so much desolation. My tent is ruined. The ropes are snapped. Il dit, au Canada, je vois une telle désolation. Ma tente est détruite. Les cordages sont rompus. Who will raise my tent? Qui va relever ma tente? Who can pitch for me a shelter? Qui peut me bâtir un abri? The dispensation has arrived. La dispensation est arrivée. The Joel's season has arrived. La saison de Joël est arrivée. He wants that glory that came and settled on the dome. Il voudrait la gloire qui était sur le dôme. He wants it to visit the house. Il voudrait qu'elle visite la maison. He wants it to enter inside the tent. Il voudrait qu'elle entre dans la tente. But there is no tent pitched for him. Mais il n'a aucune tente dressée pour lui. Someone has to rise up and pitch for him a tent. Quelqu'un devrait se lever et lui bâtir une tente. So he can release. Afin qu'il libère. That glory into the house. Cette gloire dans la maison. When that glory comes to the house. Lorsque cette gloire arrive dans la maison. I can give you examples. Je peux vous donner des exemples. In Kenya they come when? Is it Wednesday they start to enter the stadium, right? Au Kenya c'est à partir du mercredi qu'ils entrent au stade. Hein? Sorry. Wednesday, some walk many miles and then they call the radio. See, it's Monday, we have arrived in the city. Il y en a déjà lundi qui appellent et disent, nous sommes arrivés au stade. And the meeting is Saturday, Sunday. Et la réunion, ce n'est que samedi ou dimanche. By Wednesday, it is such a big multitude. Mercredi, là, il y a déjà une grande foule. But the meeting starts on Saturday, Sunday. Mais les réunions n'auront lieu que samedi et dimanche. By Friday, so full. Traffic police have to organize traffic. Le vendredi, c'est tellement rempli que les policiers doivent arranger la circulation. The Nakuru Highway was blocked, right? L'autoroute vers Nakuru, c'était bloqué. But we knew earlier, so we talked to the police head bosses to be ready with the traffic police to mobilize traffic because it would block the road completely. Nous le savions, nous avons parlé au chef de la police, on l'a dit, de se préparer parce que ça va perturber le trafic sur l'autoroute. I knew because the Lord shows me the meetings before they took place. Je le savais car le Seigneur m'avait montré cette réunion avant qu'elle ait lieu. We could not even fit in the stadium. On ne pouvait même pas entrer dans le stade. So we looked for an open ground in a high school, a tremendous open ground that can absorb up to 3 million people. Nous avions dû chercher un grand espace en plein air qui pouvait contenir jusqu'à 3 millions de personnes. When that glory arrives in the land. Lorsque cette gloire arrive sur une terre, more than 1 million people received the Jesus of Nazareth. Plus d'un million de personnes ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. I told Kenyans, you are going to destroy the walls of your churches. J'ai dit aux Kenyans, vous allez détruire les murs de vos églises. 4 years ago. Il y a 4 ans de cela. And they asked. Et ils m'ont demandé. Now, what kind of prophecies are those? Mais quel genre de prophétie c'est ça? C'est quoi? This building took. Does he know how much money it took us to build this thing? Il sait pas combien ça coûtait pour construire ce bâtiment. And I told them, I see you destroying your walls. Some people you are preaching, they are peeping by the window. They are full outside. I see you damaging, and then just bringing a tent that you can keep rolling out. Et je leur ai dit, je vois que vous allez casser les murs, les gens vont regarder par les trous et amener seulement les tentes comme ça, vous allez étendre ça. Now it is happening now. Maintenant ces choses arrivent. They build. Ils construisent. They run to me, they said, look. Ils viennent à moi, ils disent, voici. I have not even completed, it's not enough. We are now stretching it out. I need to buy the next land, the next property. J'ai construit, mais c'est même pas encore assez, mais je dois déjà acheter le terrain qui est à côté. In fact, some services they move to the stadium in that town. Et des fois, ils doivent déménager les services dans les stades. When that glory arrives in the church. Lorsque cette gloire arrive dans l'église. Hallelujah, you need to raise for the king a tent. Vous devez bâtir une tente pour le roi. Somebody raise a tent for Jehovah. Que quelqu'un élève une tente pour Jehovah. But the pastors who refused repentance. Mais les pasteurs qui refusaient la repentance. Their churches were closed like I said. Leurs églises ont dû fermer comme j'ai dit. Were locked with padlocks. Ils sont fermés avec des cadenas. They did not know I had seen it 4 years ago. Ils savaient pas que j'avais vu ça 4 ans auparavant. Somebody, this is the moment of no nonsense. Ceci est le temps de ne plus de blague. The Messiah must come back. Le Messie doit revenir. You like it or not? Que vous le vouliez ou non. The Father wants to bring him. Le Père voudrait le ramener. You cannot say no, I'm refusing. Vous pouvez pas dire je refuse. Raise that tent in Canada. Élevez cette tente ici au Canada. Raise that holy tent. Élevez cette tente sainte. That is the message of that vision. C'est le message de cette vision. Somebody raise that tent for Jehovah. Que quelqu'un élève une tente pour Jéhovah. So you may prepare the way for the king. Qu'il puisse préparer la voie pour le roi. All those things he's doing that they may know the Messiah is coming. Toutes ces choses il le fait pour qu'ils sachent que le Messie arrive. They are not for showbiz. C'est pas pour le show business. Therefore the end revival to resuscitate the church. C'est pour le réveil de la fin, pour élever l'église. Tremendous stories. Des histoires merveilleuses. My tent is destroyed. Ma tente est détruite. Who will stand up and be counted? Qui va se lever et la rebâtir? And raise for me a holy tent. Et me rebâtir une tente sainte. Remember, if you raise a tent where you are getting your income, you are eating your small unga, ugali, whatever it is you get from it, that little tent, that is not his tent. Vous savez, lorsque vous avez une tente où vous, c'est de là que vous mangez, vous avez votre pain, ça, ce n'est pas la for tente a little de Dieu. Fuel here, for a little calling cards, pour un peu d'essence, un peu de carte d'appel, you will always be in that bracket. Tu vas rester dans cette parenthèse-là. But if you raise for him a tent, mais si tu bâtis pour lui une tente, he will shock you. Il va te choquer. You will never lack airtime. Tu ne vas jamais manquer. You will never walk on foot. Tu ne vas jamais marcher à pied. You will never have no fees for your children. Tu n'auras jamais payé l'école de tes enfants. Let us serve this Jesus of Nazareth. Allons servir ce Jésus de Nazareth. That is where the church went wrong. C'est là où l'église s'est égarée. She first went for the things of the world. Elle a d'abord été chercher les choses du monde. And she remained poor forever. Elle est restée pauvre pour toujours. And the pastors became con men. Et les pasteurs sont devenus des escrocs. They started now lying to extract money. Ils ont commencé à mentir pour soutirer de l'argent. Time is over for that. Le temps est fini pour ces choses. Time has come for God to restore the authority in the house and the respect of the servants. Le temps est revenu pour Dieu de restaurer l'autorité dans la maison et le respect des serviteurs. Alléluia. I cannot do the next visitation. Can I just mention it? Je ne peux pas parler. How many are ready for the next? Combien attend la prochaine visitation? Hallelujah. I'll mention and then we'll step out. Je vais le mentionner et puis on va partir. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. On the 26th of March. Le 26 mars. The year 2008. De l'année 2008. I saw the visions of the Lord. J'ai vu une vision de l'Éternel. Tremendous visions. Une vision terrible. And let me summarize it for you. Je vais la résumer pour vous. In that vision, he made me look at the sky. Il m'a amené à regarder les cieux. And then I saw the glory of the Lord span the sky. Et j'ai vu la gloire de l'Éternel remplir les cieux. And then after that, après cela, the glory started opening. Heaven was opening and the glory was opening. La gloire commença à s'ouvrir et les cieux commencent à s'ouvrir. And then I saw the mighty, precious, golden and glorious, hallelujah. I saw the mighty dome of God. J'ai vu le dôme glorieux d'or de Dieu. The mighty, glorious house of God in heaven. La maison glorieuse de Dieu dans les cieux. The glorious temple of Jehovah, the Father of our Lord Jesus. Le temple glorieux de Jéhovah, le Père de notre Seigneur Jésus. And the glory unveiled it until I saw the dome now. La gloire l'a dévoilé jusqu'à ce que je voie le dôme. Fully covered by the glory. Complètement couvert par la gloire. And then I woke up from that vision. Et je me suis réveillé de cette vision. It was a shock. C'était un choc. I did not understand first. J'ai pas compris premièrement. It took me time to pray and sort it out. Ça m'a pris du temps de prier. I was shocked. Après cela, j'étais choqué. Because I asked him, what is the message to the church? Et je lui ai demandé, quel est le message pour l'église? Listen very carefully. Écoutez-moi attentivement. During the time of Moses. Au temps de Moïse. Jehovah Yahweh. Jehovah Yahweh. He had seen the idolatry in the house of Jacob. Il a vu l'idolâtrie dans la maison de Jacob. They were worshiping all manner of things before Jehovah. Ils adoraient toutes sortes de choses devant Jehovah. He had seen the defilement in the house of Jacob. Il a vu la souillure dans la maison de Jacob. And so he showed Moses the temple of God in heaven. Il a montré à Moïse le temple de Dieu dans le paradis. And then he told Moses. Et il a dit à Moïse. Now go back to them. Rentre vers eux. And tell them to build for me one like this. Dis-leur de me bâtir un temple comme celui-ci. Hallelujah. Listen to me, somebody. Écoutez-moi. In like manner, dans la même manière, the Lord has seen the defilement in worship in the church. Il a vu la souillure dans l'adoration de l'église. Remember that temple is a spiritual temple. Souvenez-vous, ce temple, c'est un temple spirituel. And remember that the river of life flows right from that temple. Rappelez-vous, le fleuve de vie coule directement de ce temple-là. Remember, the life-giving spirit of God comes from that river, that temple. L'esprit qui donne la vie de Dieu vient de ce temple-là. And so the issue is this. Le problème est le suivant. After he saw so much idolatry in the house. Après qu'il ait vu tout le monde d'idolâtrie dans la maison. Sexual sin in the house. L'impudicité dans la maison. Some of them, when they are talking, let me just talk. Allow the Holy Spirit just talk. Permettez-moi de parler. Permettez au Saint-Esprit de parler. When they are preaching, lorsqu'ils prêchent, they say, "Do you look at my wife? Est-ce que vous avez vu ma femme? Do you know how much it takes to maintain that hair? Vous savez combien ça me coûte de maintenir cette femme? Every month I spend such an amount to just maintain that hair. Pour chaque mois, je dois dépenser autant rien que pour les soins de ses cheveux. Do you know how much her shoes are? Vous savez combien coûtent ces chaussures? He has seen idolatry in the house. On a vu l'idolâtrie dans la maison. He has seen the worshiping of other gods in the house. Il a vu l'adoration d'autres dieux dans la maison. The jealous God of Israel. Le Dieu d'Israël. Now he wants. Il veut maintenant. Me to tell the church. De dire à l'église maintenant. To raise for him a spiritual tabernacle. De lui bâtir un temple spirituel. A holy tabernacle. Un tabernacle spirituel. A tabernacle completely covered by the glory of God. Un temple couvert totalement par la gloire de Dieu. A tabernacle he can call his own. Un tabernacle qu'il peut appeler le sien. Hallelujah. Face to face with the Lord, right? Face à face avec le Seigneur, n'est-ce pas? But at least you knew that this moment would arrive, right? Vous savez que ce moment devait arriver, n'est-ce pas? Amen. You knew that things were not running right. Somebody would have to stop this thing. Vous savez que quelqu'un devait arrêter ces choses. If we are really heaven bound. Si nous sommes vraiment destinés pour les cieux. Because you were in some form of sleep and dream. Vous étiez comme assoupi dans des rêves. But the moment of truth had to arrive. Mais le moment de vérité devait arriver. That the church may be shaken up. Afin que l'église soit secouée. That the church then may wake up and clean up the dust and repent. If she was heading this way, turn and now head back to the Lord. Que l'église se lève, enlève la poussière. Si elle allait dans cette direction, se retourner et aller vers le Seigneur. Haggai chapter 1. Et Agé chapitre 1. The book of Haggai. Le livre d'Agé. Hallelujah. Chapter 1. Chapitre 1, verse 5 on. À partir de verset 5. Now this is what the Lord Almighty says. Ainsi parle l'Éternel des armées. Give careful thought to your ways. Considérez attentivement vos voies. You have planted much. You have planted much. Vous semez beaucoup. But have harvested little. Mais vous recueillez peu. You eat. Vous mangez. But never have enough. Vous n'êtes pas rassasié. You drink. Vous buvez. But never have your fill. Vous n'êtes pas désaltéré. You put on clothes. Vous êtes vêtu. But you are not warm. Mais vous n'avez pas chaud. You earn wages. Vous le salaire. Only to put them in a purse with holes in it. Et il tombe dans un taux. Et de celui et à Agage tombe dans un sac percé. Verse 7. Verset 7. This is what the Lord Almighty says. Ainsi parle l'Éternel des armées. Give careful thought to your ways. Considérez attentivement vos voies. Go up into the mountains. Montez sur la montagne. And bring down some timber. Apportez du bois. And build the house. Et bâtissez la maison. So that I may take pleasure in it. Et j'en aurai de la joie. And be honored. Et je serai glorifié, says the Lord. Dit l'Éternel. You expected much. Vous comptiez sur beaucoup. But see. Voici. It turned out to be little. Et vous avez eu peu. What you brought home. Vous l'avez rentré chez vous. I blew it away. Mais j'ai soufflé dessus. Why? Pourquoi? Declares the Lord Almighty. Dit l'Éternel des armées. Because my house. À cause de ma maison. Which remains in ruins. Qui est détruite. While each of you. Tandis que vous, is busy with your own house. Vous vous empressez chacun pour sa maison. Therefore, because of you, et c'est pourquoi, the heavens have withheld the dew, les cieux vous ont refusé la rosée, and the earth its crops. La terre a refusé ses produits. Wow is the word. Wow, c'est le mot. That glory, cette gloire, the glory settled on the dome. La gloire qui était sur le dôme. But could not enter in that vision of November 20th. Qui ne pouvait pas entrer dans cette vision du 20 novembre 2007. And the Lord is now saying. Et maintenant l'Éternel dit. If you want the glory to enter. Si vous voulez que la gloire entre. Go up to the mountains. Allez sur les montagnes. And bring down some timber. Et apportez du bois. And raise for me a tent. Et bâtissez une tente. A house. Une maison. A holy tent. Une tente sainte. And I'll fill it. Et je la remplirai. And I'll release the dew of heaven. Et je libérerai la rosée du ciel. That is the latter anointing of God. C'est la dernière onction de Dieu. And in chapter 2. Et au chapitre 2. He says. Il dit. The latter glory of this house. La gloire de l'ancienne, de la dernière saison. Will be greater than the former. Sera plus puissante que la première. Hallelujah. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. The vision of April 8th. La vision du 8 avril. 2008. 2008. And the Lord took me. Et le Seigneur m'a pris. Raise it a little bit, Michael. Si vous pouvez augmenter un peu. 2008. 2008. April 8th. 8 avril. He followed up another vision. Il a fait suivre notre vision. But listen, April 8th. 8 avril. 2008. 2008. Don't write anything. Everybody just focus. N'écrivez rien. Faites attention. In that vision. Dans cette vision. All of a sudden he brought me to a place. Tout d'un coup il m'a amené dans un endroit. And then he showed me the house of the Lord. Il m'a montré la maison de l'Éternel. And when I went to the house of the Lord, et lorsque je suis allé dans la maison de l'Éternel, I found a lot of people outside. J'ai trouvé beaucoup de personnes dehors. They had not entered. Ils n'étaient pas entrés. But they were in small groups and talking. Ils étaient dans des petits groupes et ils parlaient. And then he made me go to listen to what they were discussing. Il m'a amené à entendre ce dont ils parlaient. And so I went to listen. Et je suis allé écouter to what these people were talking about, ce de quoi ils parlaient, ces gens. And I wondered, why are they not entering? Je me dis, pourquoi ils n'entraient pas? Then I found out, et alors j'ai trouvé that they were talking as if, ils parlaient comme si they were waiting for somebody to come and give them instruction how to enter. Qu'ils attendaient quelqu'un qui vienne leur donner l'instruction comment entrer. And then the Spirit of the Lord lifted me again. Et l'Esprit du Seigneur m'a encore élevé. And now took me inside the house. Et m'a fait entrer à l'intérieur de la maison. But I was very shocked. Mais j'étais très choqué. Because I saw a restaurant in the house. Car j'ai vu un restaurant dans la maison. The people there, they were young people. C'était des gens très jeunes. Men, girls and boys. Des garçons et des filles. They were putting on black clothes, black shirt, black trousers, as if they are going out on these worldly events. Ils portaient des vêtements noirs comme s'ils allaient dans un événement du monde. Don't write anything. Instructions of the Holy Spirit are normally very critical. N'écrivez pas parce que son disobedience is terrible. C'est vraiment terrible. N'écrivez pas. So they were eating in tables 2x2. Ils mangeaient à table 2x2. Lamps, candle was lit. Des bougies étaient allumées. But the chairs were black. You know, these black chairs covered with cloth. Very special restaurant chairs where the chair is covered with a whole cloth like this downwards. Vous voyez les chaises qui sont couvertes de tout de tissu de la tête de la juste dossier jusqu'en bas. And the chairs were black, but they had long hair, so you would not see the heads unless you approached them from the side. On ne pouvait pas voir les têtes à moins d'approcher par le côté. They were talking and eating. Ils mangeaient, ils parlaient. In the house of the Lord, in this restaurant. Dans la maison de l'Éternel, dans ce restaurant. And also, they were taking alcoholic wines and drinks. Ils buvaient de vin alcoolisé, des boissons. And then, et alors, the Spirit of the Lord lifted me again from there. L'Esprit de l'Éternel m'a élevé encore de là. And took me to a place that was highly elevated. It was a room that it was up there, like a balcony room. Up there, some opening balcony room inside the house. C'était comme dans un balcon, mais au-dessus une chambre au-dessus en haut. The balcony faced inside the house. Et ce balcon faisait face à la maison. And there, the stools were taller. Et il y avait des stools qui faisaient monter. You are so blessed because I'm releasing everything how God speaks. So next time, you know how the Lord speaks. He speaks different from man. Dieu parle différemment des hommes. Nobody will ever lie to you again, right? Personne ne vous mentira non plus, hein, n'est-ce pas? But anyway, the stools had the wooden chair part of it where you sit. Les sièges qui étaient en bois. And the metal now going down like these tall stools were up there. Il y avait des chaises assez élevées avec des pieds en métal. And when the Lord took me up there, lorsque l'Éternel m'a amené là au-dessus, I actually found out that was a bar. J'ai compris que c'était un bar. And people there were drinking only alcoholic drinks. Et là, les gens ne buvaient que de la boisson alcoolisée. As they were getting drunk. Et pour se saouler. And then again, the Spirit of the Lord lifted me. Et encore, l'Esprit du Seigneur m'a soulevé. But then this time, he showed me a very tall rope that touched the roof, the cathedral ceiling. Il m'a montré une corde qui touchait le toit de la cathédrale. But then that it had a metal hook like this now at the bottom of the rope. Mais il avait une boucle en métal à la fin de la corde. And it was tied to the roof. Et c'était attaché au toit, au plafond. And somebody was dancing there on the rope. Et quelqu'un dansait sur cette corde. And then after entertaining, because he could be seen by these and the ones eating. Il pouvait être vu par ceux qui étaient dans le balcon et ceux qui mangeaient dans le restaurant. And then after that, he brought me again outside. Et après, il m'a encore amené en dehors. And there was a politician there. Et il y avait un politicien là-bas. There was a politician. Il y avait un politicien. He was talking to some people before they entered. And I think there was some kind of election. I don't know what it is, but some kind of election situation. Il y avait comme un temps de campagne électorale. Je ne sais pas de quoi il parlait. But then after that. Et après cela. Then the Spirit of the Lord now brought me to the main area that is actually the sanctuary. Et l'Esprit du Seigneur m'a amené dans l'endroit principal qui est comme le sanctuaire. But then I saw that a window had been opened. Et je vois une fenêtre qui était ouverte. And for those people, when time came to close the restaurant door. Et pour les gens, quand il était le temps d'arriver de fermer la porte du restaurant. They were being served from this window, vending now to outside people through the window. Et ils vendaient à partir de cet endroit-là, au travers de la fenêtre, aux gens qui voulaient prendre la boisson. And then in a split second, when I now came to the main sanctuary. Et en un clin d'œil, lorsque je suis entré dans le sanctuaire principal. And I said, wow, now I can see the sanctuary. J'ai dit, maintenant je peux voir le sanctuaire. Then I saw the walls on a rail. Alors j'ai vu les murs sur des rails. They were rolling on a rail. They were now pushing the walls away to dismantle the restaurant and prepare for the church service. Alors, ils étaient en train de bouger les murs pour fermer le restaurant et préparer le service de l'église. So as they moved the walls, they were moving walls, but there was a rail. So they were rolling on the rail their wheels and then they were moving away to create room and putting chairs for the sanctuary. Et alors, ils bougeaient, déplaçaient les murs pour préparer les chaises et préparer le sanctuaire. And then eventually, I was now able to see the chairs put. And the pulpit area, the altar. Et je pouvais voir alors les chaises qui étaient installées et la chair. But when I looked at the pulpit, et lorsque j'ai regardé la chair, I was very shocked. J'étais choqué. Because the Bible rack, which is like this, was metallic. et le support où on met la Bible était en métal. With something like this to hold the Bible here. Avec quelque chose comme ci qui gardait la Bible. But and then it was on the pulpit thing there with wood. Et c'était les supports étaient en bois tout autour. But the Bible rack on the pulpit was rotating at a very high speed like this et with the Bible on it. Le support de la Bible tournait très vite comme cela. Until I asked the Lord. Et j'ai demandé au Seigneur. Lord, which direction that does the pulpit face? J'ai dit, dans quelle direction la chair regarde? Because it was moving very fast in 360 degrees. Parce que ça tournait sur soi-même pendant très très vite. And then on the left hand side as you face away was a triangular appendix extension. Et de la quand vous regardez de côté, il y avait comme un appendice triangulaire. And I saw again chairs being put there. Et je voyais on ajoutait d'autres chaises là-bas. And eventually the people that were in the bar and the restaurant and all these places entered into the church service. Et tous les gens qui étaient dans les bars, dans les restaurants sont entrés pour le service de l'église. And then the voice said, "Go tell these people to repent." Et la voix m'a dit, "Va dire à ces gens de se repentir." And then I woke up. Et je me suis réveillé. What is the Lord saying to the church about his house? Qu'est-ce que l'Éternel dit à son peuple concernant sa maison? That was very easy for me to understand right away. C'était facile pour moi de comprendre tout d'un coup. The last time Jesus encountered such a house. La dernière fois que Jésus a rencontré une telle maison, it spurred up, it stirred up. Cela l'a vraiment fâché. The real physical anger of God. La colère physique réelle de Dieu. And he made a whip out of his cords. Il a fait un fouet à partir de ses cordes. And he whipped them. Il les a frappés. Overturned the tables. Renversé les tables. And he cleared the temple. Et il a nettoyé le temple. What does the Lord see when he looks at the church today? Qu'est-ce que le Seigneur voit lorsqu'il regarde l'église aujourd'hui? The selling of small bottles of anointing oil. La vente des petites fioles d'huile d'onction. The selling of small handkerchiefs for $10, $20, like that. La vente des petits mouchoirs pour $10 ou $15. Remember, Paul sent handkerchiefs, did not sell. Rappelez-vous, Paul avait envoyé des mouchoirs, il n'avait pas vendu. He sent, he did not sell. Il a envoyé mais pas vendu. Why has this church sold? Pourquoi cette église vend? Produce 100,000 small bottles of oil. Ils produisent 100,000 bouteilles d'huile. And sell each at $25. Et vendent chaque bouteille à $25. For their anointing. Pour leur onction. Pastor, send your money for your anointing this bottle here. Pasteur, envoyez votre argent pour cette bouteille d'onction. And they are doing it on television like this. Et ils le font à la télévision comme ceci. If you have $50, si tu as $50, you get a double portion of the anointing of the Holy Spirit. Tu recevras une double portion de Saint-Esprit. Which means you can use $100 and get fourfold. Et tu peux avoir $100 et utiliser quatre fois. What does God see when he looks at the house of the Lord? Qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il regarde à la maison de Dieu? Women are in tight trousers in the church. Les femmes avec des pantalons serrants dans l'église. They have come for date. Et sont venus chercher des hommes. They are eating in a restaurant with their date partners. Ils mangent dans le restaurant avec leurs copains. There is entertainment, sexual entertainment in sexual sin. Il y a la distraction impudique et le péché dans l'église. The rope. La corde. And people are drunk in the church. Et les gens sont sous dans l'église. Remember Hannah. Souvenez-vous de Hannah. She was in much pain. Elle était dans la souffrance. And the anger. Et dans la colère. And bitterness. Et l'amertume. And she told God. Et elle a dit à Dieu. If you will just give me a child. Si tu te me donnes seulement un fils. Not for 55 years. Pas pour 50 ans. They were allowed to serve for only 55 years and be released. Ils devaient seulement servir pour 50 ans, être libérés. But I will allow him to serve you for the rest of his life. Mais je vais le permettre de te servir pour le reste de sa vie. And Hannah refused to eat. Anna a refusé de manger. And stepped at the door of the temple. Et elle s'est mise à la porte du temple. And she was very bitter. Elle était très amère. And she was crying as her lips were just moving. She could not even say a word. Elle pleurait au point qu'elle ne pouvait pas prononcer un mot, comme si elle pleurait. And the priest came out. Et le sacrificateur est venu. And asked her. Et lui a demandé. Why have you drunk so much? Qu'est-ce que tu as bu? Which means it was normal to be drunk in that house. Cela veut dire qu'il était normal d'être saoulé dans cette église. How can you ask somebody praying to God that they are drunk? Comment tu peux demander à quelqu'un qui prie qu'elle est saoulée? That is what God sees in the house. C'est ce que Dieu voit dans la maison. He sees. Il voit. Quoi? Drunkenness. La saoulardise. Immorality. L'immoralité. People are coming for dates. Les gens viennent pour rencontrer. And there is business. Et il y a les affaires. Handkerchiefs are being sold. Les mouchoirs sont vendus. Prayer shovels, shawls are being sold. Les trucs de prière sont vendus. You can produce it at $25. You can sell it at $100. Vous les produisez pour $25 et les vendez à $100. Produce 10,000. That's quite a bit of money. Pour faire 10,000, c'est beaucoup d'argent. Small bottles of anointing oil, you can sell them and tell them this is your anointing of the Holy Spirit. Ces petites bouteilles et d'huile, on peut les vendre et dire c'est l'onction du Saint-Esprit. They are selling small doves in the house. Ils vendent des petits pigeons dans l'église. Those little bottles. Des petites bouteilles. This house. Cette maison. Shall be known as. Devrait être connue. The house of prayer. Une maison de prière for all the nations. Pour toutes les nations. That is what the Lord sees. C'est ce que l'Éternel voit. Somebody stand up on your feet. Si on peut se lever. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. The Lord has poured his heart. Le Seigneur a déversé son cœur. At times you have laughed. À des moments vous avez rigolé. At times you have been bitter. Il y a des moments où vous étiez amer. But let me tell you. Mais laissez-moi vous dire. Every time after preaching this thing, chaque fois après avoir prêché ces choses, I always want to cry. J'ai toujours envie de pleurer. Yesterday I felt like I need to burst out in tears. Hier, j'ai senti comme j'allais éclater en pleurs. God is very lonely. Dieu est vraiment seul. When Jesus came, lorsque Jésus est venu, he was rejected, il était rejeté, and abused, et abusé. They abused him terribly on the cross. On l'a tellement abusé sur la croix, to the point that even his closest friends, Peter, who promised to be there, au point que même son ami intime Pierre, qui avait promis d'être là, they were not there. Ils étaient pas là. They stood very far looking like this. Ils étaient très loin, ils regardaient comme ça. And he was very thirsty. Il avait vraiment soif. He had lost a lot of fluids. Il a perdu beaucoup de liquide. He was so thirsty that the only help he needed was someone to give him drinking water. Et il était tellement soif, la seule chose qu'il voulait que quelqu'un lui donne de l'eau. The Bible says, la Bible dit, his tongue, sa langue, stuck on the roof of the mouth, était collée au palais de sa bouche. He was so thirsty. Il avait tellement soif. Heaven closed over him. Les cieux étaient fermés sur lui. For the first time since eternity. Pour la première fois depuis l'éternité. We don't know when eternity began. Nous ne savons pas quand est-ce que l'éternité a commencé. But that is the first time the Father closed heaven over him. C'était la première fois que le Père fermait les cieux sur lui. They beat him. On l'a frappé. You cannot even beat a dog like that, you would be arrested. Tu ne peux pas battre un chien comme ça, on va t'arrêter. There was no law to protect the Messiah. Il y avait aucune loi pour protéger le Messie. But there are laws today to protect dogs. Mais aujourd'hui, il y a les lois pour protéger les chiens. The very cross he carried for you. La croix qu'il a vraiment portée pour vous. He was beaten until the shoulder broke and he fell down. He fell down. Il a tellement été battu que son épaule s'est cassée, il est tombé. He was very shocked at the level of hate. Il était tellement choqué au niveau de la haine. That is, in fact, if you look very carefully, the Messiah died from a broken heart. Si vous regardez attentivement, il est mort de crise cardiaque. The same people he came to deliver and save. Les mêmes personnes qu'il était venu délivrer et sauver. How can they turn around and kill him in such a brutal manner? Comment est-ce qu'ils pouvaient se retourner contre lui et le tuer d'une manière si brutale? His heart melted like wax inside him. Son cœur a fondu comme la cire au dedans de lui. That means the internal organs swell and burst inside the body. C'est-à-dire que ses organes internes avaient s'étaient enflés et explosé intérieur de lui. The soldier pierced him and water with blood poured. Les soldats ont percé son côté, l'eau et le sang ont coulé. But he looked around for help. Il a regardé autour pour de l'aide. His tongue had stuck on the roof of the mouth. Sa langue était collée au palais de sa bouche. There was no Peter there. Il n'y avait pas de Pierre là-bas. James and John were not here. Jacques et Jean n'étaient pas là. And then he cried out to the same soldiers who had just killed him with a spear. Et il a pleuré, il a imploré la pitié des mêmes soldats qui l'ont percé le côté. Said, help me, I'm thirsty. Il dit, j'ai soif, aidez-moi. When the father showed me this vision, lorsque le père m'a montré cette vision, 3 months straight, pendant 3 mois d'affilée, I wept and collapsed. J'ai pleuré et tombé. And then the same soldiers gave him vinegar. Et les mêmes soldats lui ont donné du vinaigre. A Nazirite. Un Naziri. You give vinegar. Tu lui donnes le vinaigre. They really abused him. Ils ont vraiment abusé de lui. But he said, let me just suffer this rejection that the church may enter into the wedding of the Lamb. Il a dit, laissez-moi souffrir ce rejet afin que l'église entre au mariage de l'agneau. But after resurrection. Mais après la résurrection. And he went on the right hand side of the Father. Il est assis à la droite du Père. Until today. Et jusqu'à ce jour, the church has still rejected him. L'église continue de le rejeter. Isaiah said, Esaïe a dit, a man of sorrows, un homme de douleur, familiar with suffering. Il était familier à la douleur. He was abused then. On l'a abusé là-bas. He's still being abused in the church. Il est continué d'être abusé encore dans l'église. He's used to rejection. Il est habitué au rejet. He sees business in the house. Il voit les affaires dans les églises. Is there somebody that will take him today? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait le prendre aujourd'hui? That will say, Jesus, if they rejected you for me, I will take you today. Si Jésus on t'a rejeté, moi je te prendrai. And walk right here. I don't have time. Si tu es cet homme-là, avance ici. Cours ici. If you know it is not well, you have rejected him, you've been part of rejecting him. Si tu sais que ça ne va pas et que tu as fait partie de ceux qui l'ont rejeté. Tell him, Lord, I give myself to take you. Moi, tu te dis, moi, je vais me donner pour te prendre. I want to stand in the gap so I can remove the shame from you. Je voudrais me tenir à la brèche pour ôter la honte de toi. The shame of rejection. La honte du rejet. Me, I want to take you today. Je voudrais te prendre aujourd'hui. Lord, if they don't want you for me, I want to take you. Seigneur, s'ils veulent pas te prendre, moi je voudrais te prendre. For me, I will take you. Kneel down, precious people. Agenouillez-vous, mes frères. If they don't want you, s'ils ne te veulent pas, for me, I want to take you. Moi je voudrais te prendre.